midi à l'écoute de la première. Infotrafic RTF. Sur l'autoroute Morat-Yverdon, un véhicule en panne bloque toujours la voie de droite dans le tunnel d'Arissoul en direction d'Yverdon. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. On dit que le public ne vient plus dans les salles de cinéma, ne vient plus débattre. Ben dans ce cas-là, il faut aller vers eux. Cette semaine, un festival. On se veut un lieu qui propose son propre programme, mais aussi un lieu qui est en mesure d'accueillir d'autres événements sur le sujet des droits de l'homme, mais aussi de répercuter d'autres événements qui ont lieu ailleurs. Préparer, accueillir et faire connaître artisans et organisateurs. Souvent, ce qu'on recherche, ce qu'on défend, ce sont des films qui ne sont pas d'emblée les solutions faciles. L'enthousiasme, la rêverie, l'humour parfois aussi, et puis l'envie que le monde change. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il faut faire les choses ensemble. Le Festival international du film et Forum des droits humains, le FIFDH, vous le savez sans doute, a dû annuler son édition 2020 pour des raisons liées à l'actualité du Covid-19. Dans un rapide communiqué de presse, Isabelle Gatiker, directrice du festival, qui sera à notre micro jeudi, déclarait qu'avant de prendre pareille décision, ils avaient consulté notamment la Direction générale de la santé du canton de Genève et le service de prévention et contrôle des épidémies des HUG. Vu le caractère international du festival, la nature des lieux et l'impossibilité d'identifier le public en cas de contamination, ils avaient reçu un avis négatif des autorités cantonales qui les avait conduits à la regrettable mais inévitable décision d'annuler la 18e édition du festival. La semaine que nous consacrons au FIFDH a été enregistrée avant cette décision, mais nous avons choisi de la maintenir afin d'entendre, quelle que soit l'actualité, la réalité de terrain de celles et ceux qui s'occupent, s'activent, se battent pour qu'un festival, celui-ci en l'occurrence, se maintienne. Une parole, nous semble-t-il, d'autant plus légitime à entendre dans les moments de tourmente. Soutien donc à toute l'équipe de festival qui nous a reçus et nos chaleureux encouragements. Aujourd'hui, de nouveaux invités viennent évoquer leur travail. Moi, je m'appelle Célia Burnon et je suis adjointe à la responsable éditoriale du forum du FIFDH. C'est-à-dire que le forum, c'est une entité qui est un peu indépendante, vu que le FIFDH, c'est le Festival international du film et forum sur les droits humains. Donc, au final, on s'intègre dans le festival de film, mais on est aussi une unité un peu autonome à côté. C'est-à-dire qu'on va proposer des débats de manière assez large sur des thèmes. On est sur le format un film, un débat, un sujet, et on propose pendant les 10 jours du festival une vingtaine d'événements avec des thèmes spécifiques à chaque fois, et on cherche des intervenants, des films et des sujets sur des thèmes liés aux droits humains. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce qui est un peu embêtant avec les débats, c'est qu'ils se ressemblent un peu les uns les autres? Auriez-vous cette distance et cet avis critique? Je vous demande évidemment l'impossible, parce que vous qui en organisez, si je vous demande de dire « oui, mais alors c'est effectivement pas tous les jours marrant », c'est un petit peu scier la branche sur laquelle vous êtes assise, mais pour avoir votre avis là-dessus. Pour nous, en fait, les débats, en tout cas les événements concrets, ils ont plusieurs intérêts. Le premier, c'est finalement pas forcément de débattre, c'est-à-dire d'un débat contradictoire, ça peut exister aussi, mais nous, notre idée, pour moi en tout cas, c'est d'une part de sensibiliser un public assez large à des causes de droits humains, les vulgariser, et d'un autre côté, il y a aussi de mettre en lumière, de donner un peu une soupape d'air, de sécurité aussi à certains défenseurs, défenseuses des droits humains qui viennent à Genève. Typiquement, certaines personnes qui, toute la journée dans leur pays, elles reçoivent des menaces, des attaques. Tout d'un coup, elles viennent à Genève, on les met sur une scène, et il y a 500 personnes qui les applaudissent pour leur travail. C'est aussi, à quelque part, un moyen de leur donner un peu d'air, mais aussi même parfois de leur donner une certaine sécurité. quand il y a des personnes qui ne sont pas très visibilisées chez elles, si on leur donne une visibilité à l'international, ça peut aussi les protéger parce que si elles sont plus connues, c'est plus difficile, ou en tout cas ça ferait plus de bruit si on les attaque ou si on les menace derrière. Donc si je reviens un petit peu sur les raisons pour lesquelles on fait ces débats, il y a aussi cet enjeu-là. Ça peut aussi avoir l'effet contraire ? Plus rarement. Plus rarement. Plus rarement, parce que la plupart du temps, les personnes sont déjà assez souvent menacées sans nous. C'est rarement le cas que la visibilité fasse une cible des personnes qu'on invite. Comment faire en sorte pour que ces mains qui applaudissent soient plus nombreuses et ne soient pas là, je parle du public, que les personnes convaincues de la cause ? Comment élargir le cercle ? Comment aller s'adresser aux gens qui regardent ça avec une distance mêlée d'indifférence? Alors ça, je trouve que c'est la force du festival, de pas faire que des sujets, on va dire, un peu d'intellectuels et d'une niche finalement, qui interpellent que les personnes qui s'y intéressent déjà. Donc on va essayer à travers des thèmes de faire que des personnes qui ne s'intéresseraient pas forcément aux droits humains puissent s'y intéresser par la venue d'une telle ou telle personne, etc. Une autre force du festival, c'est d'aller dans les communes, d'aller dans les prisons et d'aller dans les foyers de personnes migrantes. Et c'est ça qui permet aussi de toucher un autre public. Avez-vous, à votre surprise déjà, vu des thèmes dont vous attendiez le meilleur et qui ont fait pchit? Oui, l'année passée, on a fait un panel sur le droit au logement avec un film qui s'appelait Push dans Frédéric Gerten, qui était un film très intéressant qui suivait la rapporteuse spéciale pour le droit au logement des Nations Unies. Surtout, voilà, à Genève, en Suisse, se poser la question de pourquoi le logement est aussi cher, pourquoi le logement est devenu en fait un bien de spéculation immobilière, aller rassembler plus de monde. Et bon, c'était peut-être parce que c'était un samedi soir, que les personnes voulaient faire autre chose plutôt que de parler des droits humains, etc., aller boire des verres ou s'amuser ailleurs. Mais en fait, on a eu assez peu de personnes qui sont venues à ce panel-là. C'était peut-être aussi de notre côté, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a des thèmes qui marchent moins que d'autres? Est-ce qu'on l'a assez bien médiatisé? Est-ce qu'on a touché les bonnes personnes, etc.? Ou alors, est-ce que c'était juste un sujet qui intéressait moins les gens? Et là, pour le coup, on était assez surprise, mais ça a pas eu un énorme succès. Et à l'inverse, avez-vous été littéralement scotché par une foule venue fort nombreuse sur un sujet vis-à-vis duquel vous ne vous attendiez pas forcément collecter autant d'intérêt? Alors, je pense pas que c'est un sujet qui inintéressait les gens, mais c'est vrai qu'on a été surprise de la, on va dire, de l'ampleur des personnes qui appelaient pour savoir s'il y avait d'autres billets. Un des modérateurs qui habite Lausanne s'est retrouvé un peu alpagué dans la rue où il y a des gens qui lui ont demandé s'il y avait des billets. C'était aussi un panel de l'année passée sur les masculinités qui questionnait, en fait, avec des questions un peu de genre, sur comment les hommes, au sens très large du terme, se positionne aujourd'hui face à des nouveaux courants tels que le féminisme, tels que la remise en cause de beaucoup de choses sur les masculinités traditionnelles. Et ça a fait un carton plein. Comment vous l'analysez ? Je l'analyse dans... Bon, et déjà, on était très les bien... Les gens ne se donnent pas le mot. Veut dire que vous avez touché là quelque chose qui... Ce qui est assez intéressant avec le festival, et c'est ça aussi qui est passionnant qu'on le crée, c'est d'imaginer quelle sera l'actualité dans les prochains mois qui vont venir. On travaille toute l'année, mais on commence vraiment en août à mettre en place des débats, à réfléchir à des thématiques et à réfléchir à des invités. Et ça, c'est un petit peu la principale difficulté. On peut pas anticiper les grosses crises qu'il va y avoir. Typiquement, l'année passée, on n'a pas du tout parlé du Soudan. Et en mars de l'année passée, on a commencé à avoir des émeutes à Khartoum avec la destitution, finalement, de Omar al-Béchir. Pour revenir aux masculinités, qu'est-ce qui a plus intéressé? Alors, on était pendant l'actualité des scandales en France liés au club du LOL, à beaucoup de choses qui se passaient dans le post-affaire Weinstein, dans le post-MeToo, etc. Il y avait un peu les déflagrations qui ont suivi, bon, les années qui ont suivi, qui continuent à suivre encore aujourd'hui, qui, je pense, a intéressé les gens. Puis c'était aussi comment est-ce qu'on peut apporter une lecture un petit peu nouvelle sur tout ce qui s'est passé ces dernières années. On va dire prendre le contre-pied. Des fois, c'est un peu un pari de se dire on prend un thème un petit peu original et on verra bien si ça prendra ou si ça prendrait pas. Là, l'actualité nous a aidés, mais aussi peut-être l'originalité du thème a interpellé et intéressé les gens. Je reviens à la question que je vous avais posée il y a un petit moment sur la teneur de certains débats. J'ai eu pour ma part l'impression, pour y avoir assisté, à parfois une sorte de répétition d'un débat à l'autre, comme si l'exercice avait déjà trouvé sa convention, c'était automatisé ou c'était pasteurisé de lui-même, alors que au départ il est la promesse sinon de polémique, mais en tout cas justement de débat, d'échange, de structure de pensée qui s'opposent, l'exercice devenant une sorte d'exercice convenu et conventionnel. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est toujours un risque? Et si oui, comment ça se travaille, quelque chose comme ça? Si je reprends un petit peu ce que je disais au début sur un peu mes catégories, donc la première, comme je vous ai dit, il y a le débat contradictoire qui en effet est un mode de fonctionnement assez stérile où on confronte des points de vue et finalement le public va se faire une opinion. C'est une option, ça arrive, ça peut permettre à certaines personnes de se faire une opinion ou pas, mais c'est vrai que c'est un modèle quand même déjà assez éculé qui amène pas grand chose. Il y a un autre modèle de débat qui nous intéresse plus, je ne veux pas dire que c'est le seul qu'on utilise, mais qui nous intéresse plus, c'est-à-dire un débat où finalement on va essayer de construire ensemble des solutions pour éventuellement réduire une petite partie du problème qu'on a évoqué, c'est-à-dire plus donner des pistes de réflexion et des pistes d'action. Donc ça va au-delà finalement du débat de l'exercice, comme vous dites, vous parlez beaucoup d'exercice, finalement d'un exercice presque rhétorique, hein, plutôt que d'un exercice militant ou activiste. Là, on essaye un peu plus d'aller dans ce sens-là. On essaye aussi, pour ne pas rendre l'événement qui commence et qui se termine, et puis après on sort, peut-être qu'on a appris quelque chose, peut-être pas, puis ça s'arrête là. On essaye de faire des partenariats avec des organisations qui sont actives sur le moment, de proposer d'autres choses. Donc comment est-ce qu'on peut faire résonner des problèmes évoqués sur les panels, des dénonciations? Il y a aussi cette place-là des dénonciations dans des actions assez concrètes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui peut gentiment être mis en place. Et enfin, le troisième enjeu pour nous dans ces débats, dans ces panels, c'est au final de mettre en avant. Le FIFDH, c'est une institution sponsorisée par d'autres institutions. Donc c'est aussi notre rôle d'essayer un petit peu d'ébranler ou en tout cas de faire bouger les lignes là. Et peut-être en choisissant, et ça c'est notre rôle en tant que responsable et pour moi adjointe, responsable éditoriale adjointe du forum, d'essayer d'amener sur le devant de cette scène-là des personnes qui vont peut-être avoir une visibilité, être prises par la presse, etc. pour amener un tel et tel sujet. Nous vous rappelons que le FIFDH édition 2020 a été annulé pour cause de Covid-19. Il présentera cependant un programme actualisé comprenant 27 débats et entretiens avec des intervenantes et intervenants de premier plan et transmis en direct sur Internet. Rendez-vous sur le site du festival pour prendre connaissance des dernières informations. Histoire vivante depuis le début de la semaine est plongée dans un festival, pas n'importe quel festival, festival qui est maintenant de notoriété publique, voire internationale, le FIFDH, qui a sa séance annuelle autour d'un thème systématiquement relevé, même si le fond, on l'a entendu déjà à plusieurs reprises auprès de plusieurs intervenants, touche toujours la question des droits humains. Et puis, on fait le tour. On rencontre des gens qui travaillent dans ce festival à différents étages. Et vous, comment vous appelez-vous? Présentez-vous à ceux qui nous écoutent. Et puis, dites-nous un peu ce que vous faites dans ce festival. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Laura Longobardi. Je travaille au festival depuis à peu près 3 ans. Et je suis la responsable des partenariats et du programme professionnel du festival. Alors, ça consiste en quoi la tâche quotidienne? Alors, notre quotidien, il est très varié tout au long de l'année, parce que étant un événement qui se passe pendant 10 jours sur l'année, il y a des périodes qui sont assez creux, il y a des périodes qui sont très intenses. Donc évidemment, tout ce qui est proche de l'événement, c'est très intense, voilà. Mais en tant que responsable de partenaires, nous, on est en relation avec les partenaires à peu près toute l'année, parce que on a des comptes à rendre, on veut qu'ils sachent comment ça s'est passé après le festival, et dès qu'on a déjà une petite idée de comment on va imaginer la prochaine édition, on les sollicite, on les rencontre, on entend aussi d'eux ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, on les écoute beaucoup. C'est ça qui est très intéressant dans cette partie de mon travail, c'est la relation à peu près permanente avec beaucoup des partenaires du festival, qui ont beaucoup aussi à nous donner en tant qu'idées de suggestions. Et donc, mon quotidien, c'est d'être en relation avec eux, de leur partager nos différentes embauches de programmes au fur et à mesure qu'on ça évolue, pour voir comment on peut travailler ensemble. Chaque année, ça change. Pour certains partenaires, ils sont là, ils sont pas là. Ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est la partie vraiment un peu quotidienne tout au long de l'année, même avec des pics et puis des creux qui sont un peu physiologiques par rapport à notre travail en tant qu'événementiel, en fait. Vous êtes-vous découvert, ou les connaissiez-vous, de haute qualité de diplomatie, parce que ça suppose ce travail-là? Est-ce que vous avez à y faire, comme vous nous le disiez, d'écouter, d'accepter sans doute parfois des remarques, de suggestions? Et tout ça, c'est un travail diplomatique. On ne peut pas aborder frontalement. Non, c'est vrai. Mais après, on écoute tous. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire ce qu'on nous dit de faire. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'écouter, ça veut dire aussi avoir un autre point de vue sur les choses qu'on regarde tous les jours. Et puis, c'est vachement intéressant d'avoir des autres points de vue. Surtout que c'est des interlocuteurs qui ont des métiers complètement différents des nôtres. Il y a beaucoup d'activistes, évidemment. Il y a beaucoup d'ONG. Il y a beaucoup d'organisations dont le travail, c'est vraiment d'être en première ligne sur tout ce qui est la protection des droits humains, et ce qui n'est pas notre travail au quotidien. Donc, c'est des points de vue différents. Et après, notre capacité en tant qu'équipe, c'est vraiment d'intégrer ce qu'on arrive à intégrer pour en faire un programme complet. Et la qualité aussi, quand on arrive à faire bien ce travail, c'est d'avoir une différence de point de vue qui soit aussi visible au programme, et donc de pas avoir juste une approche trop frontale à certaines thématiques ou à certaines problématiques. Et ça, je dirais, c'est aussi grâce à la variété de nos partenaires qui nous nourrissent beaucoup avec leurs points de vue, leurs engagements, leur culture et leurs expertises. Vous nous dites donc qu'il y a des thèmes à la mode, ce qui n'est pas évidemment très original, qu'il faut arriver à lutter contre les modes. Mais comment on fait pour lutter contre les modes? On va justement essayer d'avoir le plus grand nombre de contacts et le plus grand nombre de possibilités, d'hypothèses, de thèmes qui permettent après de choisir, de trancher. Comment en même temps il s'agit quand même de remplir les salles, même si le but n'est pas de faire d'immenses bénéfices, il ne s'agit pas non plus que ce soit des salles vides. Donc, Mais nous, heureusement, on n'a pas ce problème-là. Oui, mais il compte. Oui, mais on n'a pas ce problème-là parce que, effectivement, je pense que c'est la rencontre d'un film pertinent et de qualité et d'un débat pertinent et de qualité, même si c'est pas forcément des thématiques toujours à la mode. Justement, on essaye toujours de trouver un mélange entre ce qui est un peu à la une des médias à ce moment-là et dont tout le monde a envie de savoir ce qui se passe, mais en même temps, ne pas oublier les conflits ou les violations qui sont un peu cachées derrière. Et donc, là, c'est justement vraiment nos partenaires qui travaillent sur le terrain qui peuvent nous aider à les faire remarquer. Et donc, effectivement, après, nous, on a envie des fois d'en mettre en évidence des uns ou des autres. Ce mélange-là, je pense que ça fait un mélange très intéressant pour notre public qui est toujours présent à nos événements. Les salles sont non seulement jamais vides, mais sont toujours pleines, et des fois, on doit même faire en sorte de dire à quelqu'un très gentiment que malheureusement il n'y a plus de place, ce qui est heureusement un bon problème, comme on dit, à résoudre, parce que ça veut dire que finalement on trouve l'équilibre correct. Je pense que l'équilibre est toujours dans la qualité des films qu'on choisit, la qualité des intervenants, la pertinence par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à quels sont les enjeux, évidemment le climat, mais aussi les mouvements des peuples, mais aussi les conflits oubliés, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand on part d'un pays, ou quand un pays devient tellement grand qu'il n'arrive plus à gérer l'équilibre entre une démocratie ou un pays plus autoritaire, et donc aussi mettre en question toujours d'où on vient nous, et jamais pointer le doigt de comment il faut faire seulement quand c'est loin, et éviter d'être donneur de leçons. Voilà, exactement, parce que nous aussi on a beaucoup à apprendre, aussi beaucoup à moi je sais tout personnellement. certainement pas vous. Non, heureusement pas. Il y a toujours à apprendre et c'est la partie plus intéressante aussi de ça. Quelles sont les embûches, les difficultés rencontrées sur le terrain? Qu'est-ce qui fait parfois obstacle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que ce n'est pas forcément, on peut l'imaginer en tout cas, un travail qui va de soi, où dès l'instant qu'on appelle, on aura le rendez-vous, ou dès l'instant que... Voilà. Oui, bien sûr. Après, il y a beaucoup de nos intervenants souhaités qui n'arrivent pas à venir parce qu'ils habitent dans des pays compliqués, où ils n'ont pas le droit de voyager, où ils n'ont pas le droit de montrer leur visage ou de dire effectivement ce qu'ils pensent, parce que sinon ils risquent d'avoir des conséquences très lourdes. Donc, des fois, on n'arrive pas à être la caisse des résonances qu'on aimerait être pour les lanceurs d'alerte ou pour les activistes sur les terrains, parce que ça montre bien la complexité du monde et la difficulté dans laquelle certains de ces activistes travaillent. Donc des fois, je dirais, on n'arrive pas à voir cette variété et cette pertinence dont on a l'impression. Donc des fois, on laisse tomber une thématique sur laquelle on a envie de parler parce qu'on n'arrive pas à avoir ce niveau qui est pour nous la base, l'exigence qu'on s'attend de ce festival. Et je pense que la raison pour laquelle les salles sont pleines, justement, ça revient à ça. En plus, Genève est un lieu quand même assez exceptionnel pour organiser ce genre de rendez-vous. C'est clair que le public, même si on ouvre à un public lambda, c'est jamais vraiment lambda, d'une certaine façon, parce qu'il y a tous les fonctionnaires internationaux, les ONG. Il y a eu récemment un mapping de l'Université de Genève qui a justement regardé le panorama des ONG qui sont présentes à Genève. Il y a plus de 750. Donc après, c'est des gens qui travaillent sur le terrain, ici, dans le plaidoyer, mais qui ont tous une envie particulière, une expertise particulière. Et même donc quand on ouvre à un public généraliste, comme on dirait si on était à la télévision, ben ça serait quand même un public qui a une sensibilité très particulière et une diversité très particulière. Et c'est pour ça aussi que l'année dernière, on a, pour cette spécificité de Genève, l'année dernière, on a ouvert un nouveau programme au sein du festival, dont je m'occupe également, qui est le programme professionnel qu'on a appelé le Impact Day, et dont le but, c'est vraiment, justement, de faire rencontrer cette variété du monde genevois plutôt professionnels, donc les personnes qui travaillent dans les ONG, les organisations internationales, mais aussi les fondations et les philanthropes qui sont nombreux et des fois un peu discrets. Avec toujours discrets. Toujours très discrets, mais pas pour autant moins actifs quand il s'agit d'intervenir et de soutenir... L'esprit philanthropique. Voilà. Ouais. Mais pas à l'américaine, qui a quand même une façon beaucoup plus flamboyante d'apparaître. Mais voilà, et donc l'idée de ce programme professionnel, c'est de créer un lien très ciblé entre ce monde-là, très hétérogène, de la Genève internationale, on peut l'appeler ça comme ça, et les cinéastes et les producteurs de films engagés qui travaillent sur les mêmes thématiques et qui, si mis en relation avec les bons interlocuteurs, peuvent trouver une caisse des résonances pour leurs films parce qu'ils peuvent les faire voyager de manière, je dirais, complémentaire à la distribution traditionnelle d'un film qui passe par les festivals et la télé, voilà. Les mettre en relation sur une question de comment on peut travailler ensemble avec un film comme outil de changement social. Et donc, quand un film est porteur d'un message, même si c'est un film de cinéma, même si c'est un film où il y a un protagoniste principal qui a une histoire donc forte, et donc c'est pas un film qui parle juste d'un sujet, peut devenir un instrument très fort de diffusion d'une certaine thématique. Alors, vous êtes en train de me dire quelque chose à laquelle j'aimerais croire, mais vis-à-vis de laquelle j'ai des réserves. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des films qui peuvent changer la face du monde, des objets qui peuvent changer l'avenir ou qui peuvent infléchir, à défaut de changer radicalement, qui peut infléchir un cours en cours. Absolument. Et ce qui peut faire que ça marche, c'est une alliance forte entre ceux qui sont sur le terrain et qui sont les activistes, qui sont les experts, qui peuvent ouvrir certaines portes, mais qui font aussi du plaidoyer et donc qui ont aussi la capacité de toucher à ces personnes qui peuvent vraiment changer les choses parce qu'ils prennent des décisions, parce qu'ils sont dans des parlements, parce qu'ils sont dans des conseils des droits de l'homme et qui donc ont cette capacité de changer les structures des décisions et de autre côté, ceux qui racontent des histoires, qui ont la passion pour les histoires et qui donc ont cette capacité de transformer de manière accessible un problème complexe, qui ne veut pas dire simplifier. Au contraire, ça veut dire montrer la complexité d'une situation, mais avec une histoire. Et on sait que les histoires, depuis que l'homme et les êtres humains sont tels, ont toujours eu besoin des histoires. Donc on revient un peu à la source de, d'où on vient. Diriez-vous qu'en ce moment, l'articulation entre ce qu'on va appeler très de manière simple et rapide, monde réel et monde de fiction, c'est une articulation qui fonctionne plutôt bien en ce moment, qui arrivait à trouver ces modes de narration renouvelés, notamment du fait que, depuis l'existence des séries télé, la possibilité de pouvoir allonger un récit, de pouvoir le dilater, permet justement d'approfondir et d'arriver à des nuances, à des micro-couches qu'auparavant le seul objet unitaire ne permettait pas. Moi, personnellement, je crois pas. Personnellement, je pense qu'un bon film, que ce soit documentaire ou de fiction, de 90 minutes, peut très bien raconter une histoire avec toute sa complexité. Et puis, c'est aussi un exercice de dire ben, qu'est-ce qui est important de garder dans l'histoire et qu'est-ce que c'est moins important de garder. Et c'est pour ça qu'on essaye d'encourager les professionnels du cinéma qui interviennent à se poser la question de l'impact dès le départ. Donc nous, on choisit des projets, les duos producteurs-réalisateurs viennent à Genève, des fois aussi avec un impact producer, dans certains pays c'est déjà un profil professionnel qui existe, donc c'est vraiment la personne qui fait la liaison entre l'équipe de la production et les interlocuteurs un peu en dehors du monde cinématographique. Ou en tout cas généraliste de l'audiovisuel. Et donc, il participe pendant une journée à un lab, un workshop dans lequel on passe vraiment en revue des cas d'études, les stratégies, la théorie de qu'est-ce qu'on fait avec un film, comment on peut faire de l'impact avec un film, avec des cas d'études de professionnels, de producteurs qui ont... Concrets. Donc, ça les aide beaucoup à visualiser qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur film. Et après, on les coach sur comment ils peuvent, avec leur projet pour lesquels ils ont été choisis et sélectionnés, imaginer et construire une campagne d'impact. Et après, le lendemain, on a donc une journée ouverte à tous les professionnels qui sont intéressés à venir, et on organise des rendez-vous ciblés avec ces duos qu'on a présélectionnés et une liste d'organisations, d'ONG, de fondations qui ont donné leur disponibilité et qui ont dit « je vais rencontrer les producteurs de ce film qui m'intéresse parce qu'on va peut-être pouvoir faire quelque chose ensemble ». Laura, je fais une première synthèse avec vous sur les différentes voix que j'ai entendues. Il me semble que la caractéristique de ce festival, c'est que il s'exerce énormément dans le concret des choses. On n'est pas dans des objets théoriques, on est sur des objets qui ont une volonté d'efficience. Est-ce que vous abondez dans mon sens ? Moi, personnellement, ça me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un de très concret. Et pour moi, les théories, si je les vois pas concrétisées, j'ai du mal à les comprendre. Donc, je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites. Et puis, je pense que c'est intéressant si on arrive à proposer dans notre festival, aussi pour les spectateurs qui viennent avec un enthousiasme, un intérêt et une passion aussi pour les questions qu'on pose, si on peut arriver à leur donner des instruments concret pour qu'ils puissent vraiment intervenir sur ce qui se passe dans le monde. Après, ça peut être à différents niveaux de concret, parce qu'effectivement, on ne peut pas tous aller s'engager sur le terrain pour que les choses changent, mais il y a différents niveaux, effectivement. Et à Genève, on a un environnement tellement varié à ce niveau-là qu'on peut choisir jusqu'à où on est prêt à aller. Donc, en tant que festival qui a tous ces composants déjà dans notre ADN, et puis parmi nos partenaires, parmi nos participants, etc., je pense qu'on a cette capacité de trouver le bon mélange pour que chacun puisse trouver sa place aussi, non seulement pour être sollicité ou sensibilisé sur certaines thématiques, mais dans le meilleur des cas aussi agir pour que les choses puissent avancer pour le mieux. Laura, merci d'être venue au micro d'Histoire Vivante. Eh bien, merci à vous. Après Célia Burnand et Laura Longobardi, demain une nouvelle rencontre pour évoquer le FIFDH, Festival international du film et Forum des droits humains, malgré l'annulation de l'édition 2020, nous serons en compagnie de Claudia De Solis. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.